me souviens du jour où vous êtes arrivé, avec vos cheveux droits sur la tête, vos deux grands yeux écarquillés, d'être ému j'avais l'air bête. Ça faisait un moment qu'on attendait, à compter les jours et les heures, à voir ma vie qui basculait vers un monde nouveau, j'avais peur. Petite, si l'on pouvait s'arrêter là, quand je vous regarde sourire. Petite, j'aime quand vous dormez dans mes bras, mais j'ai peur de vous voir partir. Je me souviens du jour où vous avez marché, prête à dévorer la vie. Premier pas vers la liberté, de vous voir je mourais d'envie. Ça faisait un moment qu'on attendait, à vous lâcher bras tendus. Puis l'indépendance vous prenait, ne faites pas un pas de plus. Petite, si l'on pouvait s'arrêter là, quand je vous regarde sourire. Petite, j'aime quand vous dormez dans mes bras, mais j'ai peur de vous voir partir. Et puis peut-être un jour, vous allez débarquer dans une robe de mariée dentelle. Mes deux grands yeux émerveillés de vous voir de plus en plus belle. Pour vous, c'est un rêve d'enfant quand vous habillez vos poupées. Pour moi, c'est un sentiment comme si vous m'aviez remplacé. Petite, si l'on pouvait s'arrêter là, quand je vous regarde sourire. Petite, j'aime quand vous dormez dans mes bras, mais j'ai peur de vous voir partir. Petite, si l'on pouvait s'arrêter là, quand je vous regarde sourire. Petite, j'aime quand vous dormez dans mes bras, mais j'ai peur de vous voir grandir.